Chapitre 3e. Monsieur Gescard, en sa qualité de secrétaire du préfet, en avait vu, comme l'on dit, de toutes les couleurs. Il ne s'étonnait pas facilement. Il ne manqua pas pourtant d'être légèrement stupéfait des paroles de Césaire Abascas. « Comment savez-vous que les documents ont été volés au ministère de la Marine ? » questionna-t-il en fronçant les sourcils. Césaire Abascas ne s'effaroucha pas. « Parce que j'ai un ami qui m'en a informé, » expliqua-t-il paisiblement. Et en compagnie de mon associé, M. Tom Browning, le célèbre détective, nous nous sommes occupés de l'affaire. « Ah, et qu'avez-vous découvert ?» questionna le haut fonctionnaire, un peu ironiquement. « Je suis ici pour vous le dire, monsieur. Mais avant, je voudrais savoir si nous ne travaillons pas pour rien. Nous avons des frais et... Je crois pouvoir vous promettre 50 autres 1000 francs, si vous nous permettez de mettre la main sur les documents volés, » déclara M. Gescard. « C'est peu, mais enfin nous acceptons, d'autant plus que c'est surtout pour la France que nous travaillons. » « Eh bien, voici le résultat de notre enquête, monsieur le secrétaire. C'est que je crois être sur la piste des bandits. Quoi ? Comment ? » s'écria M. Gescard, abasourdi. « Les résultats de votre enquête sont que vous croyez être sur la piste des bandits, en voilà une réponse. Je vous demande justement pour quelle raison vous croyez être sur la piste des bandits, moi. Eh bien, si je vous le disais, vous lanceriez votre police dessus. C'est notre secret, monsieur le secrétaire. » Chacun sa chance. Tout ce que je voulais savoir, c'est si nous aurions une récompense en rapportant les documents volés. Vous m'avez dit que oui, ça va. Et je vais me remettre en campagne. Le temps presse. Il faut que je sois. Et si je vous gardais à ma disposition afin d'obtenir quelques explications plus claires? Eh bien, j'y resterai. Mais il faudrait bien que vous me lâchiez. Et pendant ce temps, les documents volés fileraient. Ce qui ne vous vaudrait pas des félicitations, monsieur le secrétaire. C'est bien. Vous pouvez aller. Mais je vous conseille de ne plus me déranger pour me compter vos balivernes, ou il vous en cuirait, grommela M. Gescard, agacé. Je n'en reviendrai qu'avec les documents, assura le Gascon. L'agent Browning & Co. C'est moi, Co. C'est une maison sérieuse, je vous le dis. Je vous salue, monsieur le secrétaire. Et Rabascas, très fier, sortit, laissant le haut fonctionnaire ahuri et perplexe. Étant sorti de la préfecture de police, le Bordelais s'assura d'un coup d'œil qu'il n'était pas suivi et à petits pas se dirigea vers le pont Saint-Michel qu'il traversa. Il embouche à la rue Saint-André-des-Arts et pénétra chez un petit charbonnier marchand de vin. Un client était déjà attablé dans le fond de l'établissement, Tom Browning. « Rien de neuf ?» questionna Rabascas. « Si. J'ai suivi la piste de l'auto qui a emmené les agresseurs de la voiture postale, comme nous l'avions convenu. L'auto était une voiture de marque anglaise. De plus, j'ai réussi à pénétrer la fourrière et j'ai examiné l'auto de la poste. On voit la trace des clous des souliers de l'homme qui a enlevé le sac. Ce sont des souliers de forme anglaise. Donc, ce sont certainement des Anglais qui ont fait le coup, d'autant plus que c'est en prenant sa gauche au lieu de sa droite, comme en Angleterre, que le conducteur de l'autopostale a écrasé la vieille femme et le petit pâtissier. Ce sont bien des Anglais. J'ai passé la matinée depuis 7 heures jusqu'à maintenant à visiter les garages anglais. Il n'y en a pas tant. Et au garage Cordel, boulevard Raspail, j'ai reconnu la voiture qui a emporté les agresseurs du Japonais. Pas de doute, je suis entré dans le garage, mais sans parler de la voiture, sous prétexte de louer une limousine. Enfin, c'est bien la voiture en question. Tu iras tout à l'heure, tu interrogeras le garagiste. Je dirais que je suis de la police. Si le patron se trouble, c'est que nous aurons mis dans le mille. Mais s'il ne bronche pas, alors nous ne serons guère avancés. Et moi qui ai dit que nous avions une piste. Combien faut-il pour les documents ? 50 000. C'est peu, mais songe à notre réputation. En Amérique, on aura offert 100 000 $ au moins, grommela Browning. Allez au garage, je vous suis. Rabascas se leva et sortit. À pas rapide, il se dirigea vers le boulevard Raspail et arriva en peu d'instants devant un vaste garage en ciment armé, au-dessus de la porte duquel, sur un panneau de bois blanc, ces mots étaient peints en lettres rouges, hautes d'un mètre, « English House, Cordell & Co. » Rabascas allait pénétrer dans l'établissement. Lorsqu'en tournant la tête, il aperçut, sur le trottoir opposé, un individu aux cheveux noirs et crépus, à la face couleur de pain d'épices, barré par une petite moustache noire qui affectait de lire un journal. Rabascas, sans en avoir l'air, l'observa et put vite se convaincre que l'inconnu surveillait le garage. Sans affectation, il franchit le seuil et, au commis accouru, demanda le prix de location d'une limousine. On lui fournit le renseignement demandé. Il ressortit et, à sa grande stupéfaction, vit que l'homme à la face de pain d'épice s'était éloigné et qu'il suivait, à n'en pas douter, un grand gaillard aux larges épaules, lequel, après être passé devant le garage, avait changé de trottoir. Rabascas se retourna et vit qu'il était lui-même suivi par Browning. Il s'arrêta dans le renfoncement d'une porte cochère et, au moment où Browning allait le dépasser, lui fit signe de s'approcher. L'Américain obéit. Rabascas, en peu de mots, lui fit part du résultat de ses observations. Les associés convinrent aussitôt de suivre les inconnus. Pour ne pas être vus, ils décidèrent que Browning les précéderait cependant que Raspas leur emboîterait le pas. Il en fut fait ainsi. Pendant une dizaine de minutes, le Bordelais avança, sans quitter les hommes, l'homme à la face couleur de pain d'épices. Mais soudain, il le vit s'arrêter, regarder autour de lui, se retourner, courir dans tous les sens, comme un homme affolé. Il y avait de quoi. Le grand gaillard avait disparu, aussi subitement que s'il se fût volatilisé. Et Browning aussi avait disparu. Rabascas fut tellement éberlué qu'il resta pendant quelques instants immobile, à regarder de tous côtés, ce qui permit à l'homme à la face de pain d'épices de disparaître. Rabascas se retrouva seul, non loin de la gare Montparnasse. Machinalement, il suivit le boulevard Montparnasse et eut un brusque sursaut en entendant la corne d'un tramway. Il se jeta de côté, juste à temps, pour ne pas être renversé par le lourd véhicule, et retint un cri. Sur la plateforme de la voiture publique, il venait de reconnaître Browning et le gaillard aux larges épaules. Appelant toutes ses forces à lui, il filait à la poursuite du tram. Il réussit à le rattraper grâce à un encombrement et sans paraître faire attention aux deux hommes, alla s'asseoir à l'intérieur. À l'arrêt de la place de l'Étoile, l'inconnu descendit, aussitôt imité par Browning, et appela un taxi. Browning, contrefaisant l'homme pressé, courut vers le taxi juste à temps pour entendre l'individu crier au chauffeur « 13 bis, rue de Montcenis ». L'auto démarra aussitôt, cependant que Browning levait les bras au ciel, comme s'il eût été désolé de n'être pas arrivé à temps pour retenir le taxi et courait vers un autre véhicule. Rabascas, imitant tout son associé, éla lui aussi une auto. Et moins de 20 minutes plus tard, Browning, suivi de loin par Rabascas, voyait l'inconnu descendre de voiture. L'homme, ayant monté la rue du Mont-Cenis, gagna la rue Saint-Vincent et pénétra dans un petit cabaret aux murailles lépreuses, à la terrasse bordée de fusains poussiéreux. Au-dessus de la porte, un barbouilleur maladroit avait peint cette enseigne « Au dernier des rapins ».